taper dans le temps, là où se croisent les lignes de l'espace et du vent qui souffle. Ça être une foule qui attend aussi serré puisse l'être tout un bord de harangue. Aussi grand, caper dans le temps, là où se croisent les lignes de l'espace et du vent qui souffle. Sur une foule qui attend aussi serré puisse l'être tout un bord de harangue. Et augmenter les impôts, manger grassement sur notre dos, créer la peine et le chaos dans tout ce qu'il y a de beau. Créer des lois contre nature, indéchiffrables, sans obscur, cacher soigneusement les filures dans les croyances et les cultures. Plaire au le gars sous chapeau quand la marmite est pleine, elle déborde tous tes sabots. Allô, c'est chaud, on fait monter les actions, ça sent le fion. On atteint la saturation, ils ont asservi tant des gens à regarder ce qu'il leur reste d'or. Regarde tout leur argent brûlé, fondre, c'est salissant, la mer est sale. Elle est salie, salie la mer, comme c'est sale. La mer est sale, elle est salie, salie la mer, comme c'est sale. Et le pétrole est dans la mer, et l'uranium est dans la mer, et les égouts est dans la mer, et le plastique est dans la mer. Un avion militaire s'écrase sur un truc nucléaire, ce qui polluera toutes les rivières, ce qui fera muter la grippe aviaire. Une invasion super canard sur la terre prendra le pouvoir. On aura tous les pieds palmés et on sera obligé de chanter. Allons canard de la patrie. Aussi grand qu'un peu dans le temps, là où se croisent les lignes de l'espace et du vent qui souffle, le rude foule qui attend aussi serait plus l'être tout un bord de qui appelle dans le temps, là où se croisent les lignes de l'espace et du vent qui souffle, une foule qui attend aussi celle qui est un bord de rang. Aussi grand qu'un peu dans le temps, là où se croisent les lignes de l'espace et du vent qui souffle.